En descendant six étages pour aller vider mes deux poubelles, je pense à mes années qui filent et je pense aussi à elle. Je gamberge sur ma cage à lapin, je gamberge sur tout, ça me fait du bien. Comme moi, et puis je mange avec mes doigts.